Web Musique, vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Web Musique qui n'avait pas lieu la semaine passée, c'était le Radioton de CKRL. Je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont été extrêmement généreux. On a réussi à amasser un 40 186 pour la station. Donc, merci encore. Grâce à vous, on continue à réussir à faire de la bonne radio. Donc, merci. Cette semaine à Web Musique, je vais vous faire un petit spécial. Il y a un festival vraiment intéressant qui s'en vient au Portugal, dans la ville de Lisbonne. C'est cette semaine, donc c'est le 14, 15 et 16 festival Netaudio Lisbonne. J'étais supposé d'y aller, mais pour des bêtes considérations monétaires, à la dernière minute, c'est ça, je ne peux pas y aller. Donc, je vais faire une émission spéciale d'artistes qui vont être à ce festival. Festival assez intéressant, donc un showcase d'artistes qui publient dans le monde du net audio. Il y a des conférences, spectacles, etc. Donc, un festival qui promet d'être vraiment intéressant. C'est la première année. Donc, je leur souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette première année. On va débuter l'émission avec D'Incise, un artiste suisse vraiment intéressant qui donne dans la musique plutôt expérimentale. Donc, je vais vous faire passer sa pièce à plusieurs altitudes. Vous allez voir, c'est une pièce quand même assez longue, vraiment intrigante, vraiment bonne. Ensuite de ça, ça va être Métastase avec sa pièce Orient Folk. Métastase qui vient de la ville de Lyon, je crois, un artiste que j'avais déjà vu au festival Netaudio Berlin. Donc, Métastase qui est aussi le fondateur de son étiquette Tazar Music. Donc, vraiment intéressante comme étiquette. Donc, c'est ça, on débute Web Musique avec D'Incise. Thank you. Oh! Vous venez tout juste d'entendre une pièce de Métastase qui est sur son album Orient Dub Express, c'est sa pièce Orient Folk. Avant ça, on avait débuté l'émission Web Musique avec D'Incise, sa pièce à plusieurs altitudes. Donc, comme je vous disais en début d'émission, on va poursuivre un spécial festival NetAudio Lisbonne. Donc, c'est des artistes qui vont être présents à ce festival qui va avoir lieu cette semaine, le 14, 15 et 16 avril. Donc, on poursuit avec deux artistes qui sont sur Phonotactics, une étiquette portugaise que j'adore. J'ai commencé à écouter ça, je pense, en 2007, dans les tout débuts de l'émission Web Musique. Donc, je vais vous présenter la pièce Something Already in Progress. C'est par Motown Junkie, le fondateur du netlabel Phonotactics. Ensuite de ça, ça va être Gunna X avec sa pièce Gloria. One never knows when a clue in the form of a soil sample or a cloth stain is staring the unwary detective in the face. I'm most impressed in the growth I've seen in this area, this side of the Atlantic. I am therefore most honored to be here. It can be found is in the area where the unidentified object was sighted. Interesting. Shall we be off? Night on the moors in a fog-shrouded glen provides adequate cover for two men. Freeze. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique qu'on vient tout juste d'entendre. Guna X avec sa pièce Gloria. Avant ça, c'était Motown Junkie avec sa pièce Something Already in Progress. C'était tiré de son excellent album Cuts and Raw Tapes, donc publié les deux artistes sur Phonotactics, une étiquette portugaise. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, rendez-vous sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous avez la playlist et les liens pertinents pour télécharger toute cette bonne musique. Si vous avez manqué des petits bouts de l'émission ou si vous voulez écouter les émissions précédentes, donc l'émission est disponible en balado-diffusion ou en podcast si vous préférez. Donc, vous avez accès à tout ça gratuitement. Vous avez juste à vous rendre sur le site et vous avez accès à toute cette bonne musique. Donc, on va poursuivre avec un artiste, plutôt un groupe du nom de Duas Semicolcheas Invertidas. C'est leur pièce Vacation and Biafra. C'est publié sur Enough Records, un groupe que j'adorerais voir live, mais c'est ça. Donc, je ne peux pas aller au festival de Lisbonne, mais je vous fais passer quand même la pièce. Donc, vraiment excellente. La pièce s'appelle Vacation and Biafra de Duas Semicolcheas Invertidas. Yeah. rencontre de Marie Laberge, Éric-Emmanuel Schmitt, Dany Laferrière, Alain Mabankou et des centaines d'auteurs qui seront présents du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Venez fouiner, fureter, vous divertir. Le Salon international du livre de Québec, c'est le lieu de rencontre rêvé entre les auteurs et les lecteurs. Venez partager vos bonheurs de lecture avec eux. Plongez dans l'univers des drag queens avec Changing Room. Du 12 au 30 avril, le théâtre Périscope se métamorphose. Sa scène se fait cabaret, ses loges se prêtent aux confidences. Never know how much I love you. Porte d'entrée vers un univers à la fois surprenant et festif, à mi-chemin entre le théâtre et le documentaire, Changing Room vous offre une expérience hors de l'ordinaire. Changing Room, un docu-théâtre interactif. Une production de Nous sommes ici, en collaboration avec Boréal, présentée en co-diffusion avec le théâtre Périscope du 12 au 30 avril, 20h. Billets disponibles sur Billettech ou au 88-529-2183. Radiohead, un des groupes les plus influents des dernières décennies, ne cesse de surprendre et de faire parler les médias de la planète à chaque nouvelle sortie musicale. Maître d'un monde bien à eux, Radiohead n'a jamais appartenu à aucune scène et pourtant, partout où ils passent, nul ne peut rester indifférent. La marge à CKRL, Simon Savard survolera la carrière de ce groupe et ce, pendant 2 heures. Collaboration, phase B, carrière solo. Vous entendrez Radiohead comme vous ne les avez jamais entendus. Subi succès oublié des années 70, 80, 90. Tout ça dans la boîte à cassette de Jean-Philippe Deschênes. Les mardis, dès 20h. CKRL. Retour à Web Musique. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Il nous reste une petite demi-heure à l'émission. C'est un spécial donc pour le festival Net Audio Lisbonne. Je vous fais passer des pièces des artistes qui vont être présents au festival qui va avoir lieu le 14, 15 et le 16 avril donc dans la ville de Lisbonne au Portugal. On va poursuivre donc avec deux artistes qui sont sur l'excellent net label Fresh Pulp Records. Je salue Jeffrey puis toute l'équipe de Fresh Pulp. J'aurais aimé ça réussir à venir vous voir au festival, mais donc c'est ça, ça va être impossible. On va écouter une pièce de Rafira Firo. Donc sa pièce s'appelle Istanbul Englouti. C'est une pièce vraiment excellente. C'est sur son album Live at Favela Chic Paris. Ensuite de ça, ça va être Pitbull de Sexy Dog avec Alone in the Dark, deux pièces donc publiées sur Fresh Pulp Records. Thank you. C'était l'excellent Pitbull de Sexy Dog avec sa pièce Alone in the Dark. Avant ça, c'était Rafi Rafiro avec Istanbul Englouti. C'était une version live sur son album Live at Favela Chic Paris. Donc ça, c'est deux artistes qui sont publiés sur l'excellent net label Fresh Pulp Records. Aussi sur Fresh Pulp Records, la prochaine pièce de Tsunami Wazahari, sa pièce s'appelle Introduction to Lie, un artiste que j'adore. Ensuite de ça, sur Head Start Records, c'est Criatura, la pièce s'appelle A Mentor Hip-Hop Vivo. Donc deux autres artistes qui vont être présents au Festival Net Audio de Lisbonne le 14, 15 et 16 avril prochain. Si vous êtes dans la région de la ville de Lisbonne, allez faire un tour, un festival complètement gratuit avec des performances d'artistes, des conférences aussi. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Donc, ben, c'est ça, tout de suite à Web Music, on écoute Tsunami Wazahari. Thank you. the fears in the system. Yeah, the result. Pensa rimar, rimo que penso que vivo, a rima vejo me informar. Meto na chama da vida, chamo criado. A vida lança-me a suicida, mas sei que me vai apanhar. Vou lá que ainda pinta, pinta. Menos que a tinta, manda props, ensina. Mexe com a rotina, na rotina. Hoje a minha disciplina aumenta. Não alimento sozinha, tenho vacina, tive vida. Não quero saber de top, só estou acima com rooftops. Palavras são roteiras, nunca se acabou o stop. Se troço ou volto, enquanto gosto, me corto. E com os vossos com os apertos, com promessas de bons vozes, traz headphone. Homenagem que eu gosto, minha mensagem nas ruas, não recuas, onde é que eu quero estar. Tudo por tudo dá volta, quem está com medo, dá grave, e a tudo dá grave, é tudo. A manter hip hop vivo, o hip hop vive, vês tão vivas como vives, e é por um motivo, se o laço é efetivo, mantém-te produtivo, vês tão vivas como vive, a manter hip hop vive, a manter hip hop vive, o hip hop vive, vês tão vivas como vives, e é por um motivo, se o laço é efetivo, mantém-te produtivo, vês tão vivas como vive, a manter hip hop vive. Sem casos, sem divisões, nossa tem de ser abertamente. Tenho de estar aberto para dar a ver que não saudações. Há diferença, complementa a unidade que me representa. Não, mas temos gênero com o coração para as trabalhadas pulmões. Quando tu pões, com dicas que impões. Não diz sem depois, vi tudo como atrações. Se o repões, não passam suposições. É bom que sejas bom traço, que é tomar em tubarões. Estou longe de vivas, de vinhões no centro. Para envenenar o mental, matar o mental centro. Ficar no mental, que sempre tem que estar no mar. Eu inconsciente, mas só espera a vez de um ano. Parece que me caio, mas faz que não. Porque as planas vão trabalhar. A manter hip hop vive, o hip hop vive, vês tão vivas como vives, e é por um motivo, se o laço é efetivo, mantém-te produtivo, vês tão vivas como vive, a manter hip hop vive, a manter hip hop vive, o hip hop vive, vês tão vivas como vives, e é por um motivo, se o laço é efetivo, mantém-te produtivo, vês tão vivas como vive, a manter hip hop vive. À l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique qu'on écoutait Creatura avec la pièce A Mentor Hip Hop Vivo. C'était publié sur Head Start Records, un net label qui vient du Portugal. Avant ça, sur Fresh Pulp Records, c'était Tsunami Wazahari avec sa pièce Introduction to Lie. Donc, deux artistes qui vont être présents au festival Net Audio Lisbonne. Ça va déjà être tout pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce. Le Dr Franco est absent cette semaine, donc c'est Win Radio qui va prendre la relève pour son émission. Ensuite de ça, ben ça va être Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Et ensuite de ça, donc à minuit, Musironie. Donc, restez à l'écoute de CKRL. Je vous rappelle donc de visiter le site de l'émission Web Music pour télécharger les pièces entendues. Rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. Donc, on se quitte avec une pièce de W Magic. Avec, donc, la pièce s'appelle Fora Donda. C'est, ça aussi, c'est publié sur Head Start Records. Donc, ben, c'est ça. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL.